Le crime des Saint-Pères, una storia criminale, à Aix-en-Provence. Chapitre 1er. Ceux qui me connaissent sont habitués à ce que je raconte moi-même mes enquêtes au fur et à mesure de leur déroulement sur le terrain. Or, depuis ma dernière affaire, requiem pour l'architecte, j'ai été appelé à des fonctions de responsabilité et d'organisation qui m'obligent à travailler derrière un bureau, un grand et beau bureau, certes, mais je ne me rends plus sur le terrain, baignant dans un monde de chiffres et de paperasse. Je ne suis les enquêtes que par les comptes rendus et les rapports de mes subordonnés. Je ne suis préoccupé que par la mise en adéquation des besoins avec les moyens en hommes et en matériel, l'œil rivé sur le diagramme des résultats. Trop occupé pour écrire une histoire moi-même, je voulais pourtant vous faire partager une enquête qui m'a beaucoup intéressé. En raison de la personnalité des protagonistes, tous des émigrés italiens de longue date, brillamment établis dans la bourgeoisie industrielle aixoise. Étant moi-même d'origine transalpine, je me suis senti attiré par le déroulement de cette affaire, que je nommais d'ailleurs pour mes proches le crime des Saint-Pères, faisant allusion à l'endroit du premier meurtre, un chemin de la campagne aixoise, et non à des mœurs barbares des pères de l'Église. De plus, cette enquête fut menée avec deux nouvelles fonctionnaires de police que le lecteur va découvrir, le capitaine Michel Pérez, grande femme blonde bien charpentée, et le lieutenant Djedjig Moussaoui, jolie brunette aux yeux de velours. Un genre de tandem auquel je n'étais pas habitué mais pourtant attachant et efficace. J'étais intervenu le moins possible pour ne pas me faire traiter de macho. Je surveillais néanmoins le bon déroulement de l'enquête et m'autorisait à donner de temps à autre un petit coup de pouce, histoire de faire avancer les choses. Le romancier a fait son travail, brodant sur la psychologie des personnages, nourrissant l'effet brut et aride que je lui ai raconté. Je lui ai demandé d'apporter, dans la mesure du possible, le moins de changements à mon style habituel, afin que le lecteur fidèle ne soit pas dérouté. Voici donc le crime des Saint-Pères, qu'on peut qualifier de storia criminale. Dès qu'il eut terminé sa sieste, Hansi descendit dans le vaste garage sous la Bastide. Les trois voitures du couple y dormaient sagement, telles des fauves prêts à bondir. Le cabriolet de la dame, l'incontournable et sombre 4x4 Teuton, moderne carrosse, qui fait de vous un baron de l'asphalte, et une Ferrari, basse et racée, rêve exaucé de toute une vie. Il choisit un vélo parmi sa collection, puis il l'accrocha au portant qu'il avait fait poser à cet effet. Il se mit en devoir de vérifier la mécanique de sa machine, comme il avait l'habitude de le faire à chaque sortie. Tout y passa, le fonctionnement des dérailleurs avant et arrière, les freins, la pression des pneus, la trousse de secours, jusqu'à la fixation de la selle. Ça faisait partie du rituel et il n'oubliait pas qu'il avait commencé sa longue carrière en réparant des bicyclettes. Il boitilla jusqu'au portail sur des souliers à semelles spéciales, enfourcha la bécane, enclencha les cale-pieds automatiques et s'engagea sur le chemin des Saint-Pères en direction de la départementale 64 vers la Molière et la campagne aixoise pour son tour habituel. Il passait par l'aqueduc de Roquefabour, puis laissait Vintabrin sur sa hauteur pour rejoindre la route de Berre. De là, il poussait une petite pointe vers Aiguille, redescendait en direction de Calas pour finalement revenir vers les Milles par la route de Loki. Cet itinéraire, il l'avait fait si souvent qu'il pouvait se permettre de penser à toute autre chose qu'au chemin à prendre. À près de 70 ans, il arriva encore à avaler ses 40 kilomètres sans trop tirer la langue, quelle que soit la saison. Certes, ses moyens lui auraient largement permis de pratiquer un sport moins prosaïque que le vélo. Il avait bien essayé le golf, mais il trouvait qu'on perdait beaucoup de temps à se déplacer lentement pour finalement taper dans une balle bien trop petite. Le vélo lui permettait de s'aérer non pas seulement les poumons, mais aussi les neurones. Il pédalait un peu comme un automate et laissait son esprit vagabonder. D'ailleurs, comme son vélo, sa pensée empruntait toujours les mêmes chemins. Il revivait son arrivée en France en 1960 à Aix-en-Provence, débarquant de son Italie natale, ne connaissant personne et pas même la langue. Il revoyait avec attendrissement la modeste chambre qu'il avait louée dans la rue Celloni, sous les toits, en se faisant passer pour un étudiant italien. Il était persuadé qu'il trouverait bien un boulot pour payer son loyer, prêt à faire n'importe quoi pour s'intégrer et s'établir. Ensuite, dans son feedback ordinaire, il se revoyait sur les bancs du cours du soir où un directeur d'école en retraite, d'origine italienne, apprenait à une poignée d'immigrants à baragouiner un français compréhensible. Un compatriote, Luigi Pozzi, marchand de cycles, lui avait offert son premier job. Il est vrai que tout gamin, en Italie, il avait appris la mécanique et l'amour des belles machines. C'est non loin de sa chambrette qu'il ouvrit son premier garage de réparation automobile boulevard de la République. Ses compétences, ses tarifs et son numéro joué lui gagnèrent rapidement une clientèle fidèle, suffisante pour faire tourner son affaire. Pendant les premiers mois, il se priva de l'aide d'un ouvrier et terminait souvent son travail sur les 10 heures du soir. Prudent, il fréquentait très peu ses compatriotes, se bornant à assister par-ci par-là à un mariage ou à une communion. C'est dans une de ces festivités qu'il rencontra celle qui allait devenir sa première femme, Anna, native d'Italie, elle aussi. Ah, Anna, c'était quelqu'un. Dès qu'ils furent mariés, elle prit la comptabilité en main, gérant les petits crédits, étalant les paiements des factures pour les clients fidèles. C'était elle qui l'avait poussé à prendre un ouvrier. Confiant dans les capacités de son mari, elle lui disait souvent « Bah, Anzi, si tu le veux, on va tous les manger. » Ce à quoi il répondait invariablement « la monnaie, il n'y a que ça qui t'intéresse. » Sur la route de Roquefavour, le cours de sa pensée fut interrompu par un chauffard qui le rasa de près en le doublant à vive allure. Il se vengea en l'insultant napolitain et en lui faisant un doigt d'honneur. Puis le calme environnant le replongea dans ses souvenirs. Il aimait particulièrement cette campagne aixoise qui, avec ses cyprès en cierge, ses pins centenaires et son soleil, ressemblait tant à sa région d'origine. Il revit ce fameux matin de juillet, alors que le flot des Parisiens descendant sur la côte embouteillait le boulevard de la République. Au début des vacances, chaque jour lui apportait son lot de pannes habituelles sur des voitures qui avaient souffert depuis le nord de la France. Un radiateur qui chauffe, une courroie cassée, ou un joint de culasse défectueux qui laissait derrière la voiture un panache bleu. Une fois réglé le problème des pièces de rechange, c'était le mois double assuré. Et comme les gens avaient réellement besoin de leur bagnole, ils ne regardaient pas à 2 francs près. Dans ces périodes, il leur arrivait de travailler jusqu'à 2 heures du matin, aux grandes dames des voisins du quartier. Ce fameux jour de juillet, une Panhard PL17 monta sur le trottoir devant l'entrée du garage. Le conducteur de la voiture pénétra dans le local. La femme d'Anzi vint le prévenir alors qu'il était allongé sous une voiture en réparation. « Anzi, sors de là-dessous, il y a un client qui veut te voir. » Lorsque les deux hommes furent nez à nez, ils ne purent prononcer aucune parole. Finalement, une bordée de jurons napolitains jaillit de leur bouche, terminée par une accolade à se démonter les épaules. « Mais qu'est-ce que tu fous là, putain ?»« C'est bien toi ?» demanda l'homme d'un ton incrédule. « Et Anzi, c'est qui ?»« Et qui veux-tu que ce soit, imbécile ?»« Aldo Anzi Luti. Tu ne te souviens pas de mon nom ?»« Oui, je sais. » « Depuis que je suis en France, tout le monde m'appelle Anzi. Même ma femme, c'est plus court. » Anzi fit un gros clin d'œil en cachet de sa femme et l'autre hocha la tête d'un air entendu. Puis, se tournant vers son épouse, il déclara « Anna, laisse, c'est un ami. Va faire tes additions, va. » « Alors, Aldo, il est à toi, ce garage ?» questionna le nouveau venu. « Eh si. Et toi, je me souviens plus de ton nom. Tu fais le touriste ?» « Biagio, tu te rappelles maintenant. Biagio Caneparo. Mais à l'usine à Paris, on m'appelle Canet. » Anzi apprit ainsi que son copain Biagio, replié sur Paris, n'avait trouvé qu'un boulot éreintant à l'usine. Il en avait tellement marre du froid, du ciel gris, de la banlieue, du bruit de l'usine, qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour vivre au soleil et près de la mer. Anzi propose alors à son copain de rester avec lui pour le seconder. Il avait confiance en lui. Biagio avait la même expérience du métier et surtout, ils avaient en commun beaucoup de souvenirs et non des moindres. À partir de ce jour, leur destinée commune décolla littéralement. Quelques mois plus tard, toujours sur la férule d'Anna, ils s'installaient dans un garage plus grand au pont de l'Arc avec 2 ouvriers supplémentaires. Mais ce qui les faisait réellement vibrer, c'était la création, de la conception à la réalisation de l'idée, alors que la mécanique ne consistait qu'à rendre la vie à des bagnoles mortes. Fascinés par le travail du fer depuis leur plus jeune âge, passion transmise par le forgeron de leur village de la province de Bénévent, ils montèrent d'abord une petite entreprise de ferronnerie dans un hangar sur la route de Berre. Au début, ils n'hésitèrent pas à accepter des chantiers au-dessus de leur capacité du moment, investissant au fur et à mesure des besoins, dépenses vite couvertes par les rentrées d'argent. Poussés par Anna, dont les deux verbes importants à conjuguer étaient plaire et amasser, ils se lancèrent dans la conception et la réalisation de grandes charpentes métalliques, infrastructures de grands hangars. L'époque voyait fleurir tout autour d'Aix des entreprises et des grandes surfaces nouvelles qu'il fallait construire rapidement et à moindre coût. Il y avait là un marché plus que juteux qu'ils avaient eu la bonne opportunité de saisir. Leur renommée, leurs compétences dépassèrent largement les limites du département. Et bientôt, l'entreprise Anzilluti et Caneparo Metalco fut associée à la réalisation de grands chantiers tels que ponts, gares et aéroports. On s'installa dans la zone industrielle des Milles, sur près de 2000 mètres carrés de bâtiments. Dans ce maelstrom, la liaison d'Anna et de Biagio ne fut qu'un fait divers qui n'entama pas leur amitié, même si Anna demanda le divorce pour pouvoir voler de ses propres ailes. En y réfléchissant bien, le vélo était l'élément qui lui permettait de garder un lien avec son enfance et son adolescence. Pas étonnant qu'il n'ait jamais voulu s'en passer, car finalement, Caneparo, mis à part, avec qui partager ses souvenirs. Et encore, avec le temps, ils avaient ressassé ensemble tellement de choses qu'Anzi préférait maintenant se souvenir seul. Il n'attendait plus rien de la vie, et ne trouvait de saveur qu'au moment heureux déjà vécu qu'il ruminait avec nostalgie. Même sa Ferrari ne le faisait plus vibrer. Il se contentait de la faire tourner en faisant un aller-retour jusqu'à Salon par l'autoroute, en jouant à cache-cache avec les radars. Il parvint finalement à l'embranchement de la route de Loki à la sortie du village des Milles. Pour regagner le chemin des Saint-Pères, il y avait un passage étroit par cette route assez fréquentée, bordée d'un profond fossé. Bref, un endroit mortifère. Les bagnoles vous rasaient et chaque camion vous doublant pouvait sonner votre arrêt de mort. C'était sûrement de cette façon qu'il passerait l'arme à gauche. D'ailleurs, il serrait les fesses tout le long des 800 mètres de ce tronçon. Malgré son angoisse habituelle, il parvint au début du chemin des Saint-Pères, vivant toujours ce moment comme une délivrance. Il se mit en danseuse pour franchir le coup de cul, comme on nomme les grimpettes en argot cycliste, qui débutent le chemin. Soudain, il ressentit une douleur insoutenable au cou du côté gauche. Presque aussitôt, tout devint noir et rouge. Il perdit le contrôle et alla s'affaisser dans le bas-côté. Sa respiration fit un bruit d'évier qui se vide, et pendant 2 ou 3 secondes, il eut conscience de faire des bulles. Alors que tout devenait noir, dans une espèce de fulgurance, il sut sans aucun doute possible comment et pourquoi il mourrait.